Summertime? Summertime. And the living is easy. Fish are jumping on. Ah, c'est ça les paroles. Ça, j'avais jamais fait gaffe en français. C'est un pain. Oh yeah. Lion, que foyon. Mais la vie est facile. Les poissons sautent et le coton est haut. Ton papa est riche et ta maman est belle. Alors, petit bébé, ne pleure pas. Ce matin, tu vas pleuver en chantant. Il y a un funky. Allez, non. Summertime. And the living is easy. Avec papa et maman. Yes, I am pain. Tu les pleures à tes ailes. And the cotton is high. Yo, the daddy. Reds ah, are si blooming. Good look looking. Look at that. But living is not easy. Joder, mierda. No, es que no sé. Et les poissons qui sautent. Et le coton. Your daddy rich and your man is good. My daddy is rich. My ma is not. Okay. Ne pleure pas. Un matin, tu te lèveras en chantant. Eh oui. Et good looking. So hush, little baby, ne pleure pas. Ne pleure pas, petit bébé. We sing a song with daddy and mammy standing by. Yeah. And you spread your wing and you take to the sky. Okay. The sky is blue. Bien, perfecto. J'essaie d'y comprendre les gens. Tu fais la trouver en Medify, sinon. ¿Qué estáis haciendo? ¡Mierda! Yeah. acuerdo muy bien de los acordes, ¿sabes? Es que no me acuerdo, espera. Thank you. Ben, tira-li. Thank you. être si tu poisson. Du poisson son, ouais les cochons les ronds. Y'a ma tante, y'a ma tante là de bavou. Même gars de bouquin, tu es de crâne. Otra. Valérie. Pleasant time. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. There I go, there I go, there I go, there I go. Pray to David all the selfish knife, the control. So to find the things, everything, you have ever made. Bravo. Non, oh, pire, Dieu. Et viva España. Formidable.